Chapitre 5e. Monsieur Juste André, dit Florence d'un ton pompeux en ouvrant toute grande la porte du salon. Madame, monsieur. Juste se trouva devant Rose, qui, d'un geste gracieux, quoique réservé, lui indiquait en face d'elle un petit fauteuil bas. Il s'inclina et s'assit silencieusement. La jeune femme, se rejetant mollement en arrière, appuya la tête sur le dossier, recouvert d'une étoffe orientale, bariolée de tons à la fois doux et brillants, sur laquelle son profil sculptural se dessina avec un charme extraordinaire. La porte s'était refermée, le petit salon exposé le matin aux rayons du soleil levant était éclairé, à cette heure de l'après-midi, par une clarté discrète et fine. Le feu assoupi dormait dans la cheminée en une grande braise, voilée d'un nuage de cendres blanches épaisse et veloutée. Le tic-tac de la pendule résonnait assourdi dans cette atmosphère chaude et parfumée. Juste leva les yeux sur Rose Rosier. Les pieds allongés sur la chaise longue, mais couverts par un châle de laine blanche, moelleuse et douce au regard comme au toucher, la tête légèrement appuyée en arrière, la jeune femme le regardait entre ses paupières à demi-closes avec un sourire d'une bienveillance banale. « Mademoiselle, » commença André. Il s'arrêta, sentant une émotion invincible le prendre à la gorge. « Il y a longtemps, n'est-ce pas ?» dit Rose sans cesser de sourire. « Je vous ai cru morte, » fit-il à voix basse. Puis il s'arrêta et regarda le tapis. « Moi aussi, » répliqua la jeune femme avec un joli rire qui montra ses dents blanches, fines et bien rangées. « Le docteur Langlois est un grand médecin. C'est votre ami ?»« Oui, » dit André de plus en plus troublé. Tant d'émotions contradictoires bouleversaient ses idées. « En effet, je m'en souviens. Vous êtes venus ensemble au foyer. Je jouais la dame aux camélias. » « Vous vous en souvenez ?» fit Juste avec un sourire reconnaissant. « Mais certainement !» répondit Rose en jouant avec son mouchoir. « Et d'abord, je dois vous remercier pour votre bouquet. Il est superbe. Vous avez de bons jardiniers à Chartres. » André s'inclina silencieusement. Il avait mille choses à dire, et le ton banal qu'avait pris l'entretien le rejetait si loin de ses pensées qu'il ne trouvait rien à répondre. Rose ferma presque tout à fait les yeux et le regarda un instant entre ses paupières. Puis, se tournant vers lui de façon qu'il la vit bien en face, elle lui dit « Dites-moi, je voudrais le savoir. Quelle impression avez-vous éprouvée en apprenant que j'étais morte ?» Le jeune homme se tut. Ce n'était pas ainsi qu'il s'était représenté cette entrevue. En entrant, il était prêt à tout dire. Au moment où il avait revu, réelle et vivante, la femme qu'il considérait depuis si longtemps comme disparue de ce monde, il aurait pu y pencher toute son âme. Après ces quelques phrases d'entretien banal, il ne pouvait plus se livrer. « Je vous dirai cela plus tard, » fit-il, en reprenant tout à coup son empire sur lui-même. « Le passé est un mauvais rêve. »« Oui, bien mauvais, » soupira la jeune femme. « Parlons plutôt du présent. Vous êtes miraculeusement fraîche et belle. Je ne m'attendais pas à vous trouver ainsi. »« Langlois vous a dit que j'étais très changée ?» interrompit-elle brusquement. « Pas loin du monde ?» Mais une si longue réclusion et de si cruelles souffrances auraient dû vous fatiguer. Mon ami Charles a vraiment fait un prodige. Je ne marche pas encore seule, dit-elle avec regret. Il prétend que c'est parce que vous craignez de vous faire mal. Les premiers pas sont douloureux après une fracture, vous le savez. Il ne faut pas se laisser arrêter par ce genre de souffrance. Le docteur croit que c'est par crainte de la douleur que je retarde ma guérison, fit Rose en fronçant le sourcil. « Vraiment, il vous l'a dit ?»« Pas d'une façon si claire. Il ne dit pas que cette crainte vous soit particulière, mais qu'en général, elle retarde les trois quarts des guérisons. »« Que faut-il faire alors ?» demanda la comédienne, les sourcils toujours approchés. « Marcher sans peur. » Elle rejeta le châle qui couvrait ses pieds, s'assit au bord de la chaise longue et s'arrêta une seconde comme pour se recueillir. Puis, se dressant tout à coup, sans balancer ni fléchir, elle traversa le salon d'un pas ferme, quoique encore un peu inégal. Les joues étaient devenues très pâles. Ses yeux bleus semblaient noirs. Ses lèvres s'étaient rigidement serrées l'une contre l'autre, mais elle ne proféra pas le moindre son avant d'être revenue sur ses pas et d'avoir regagné son asile. Juste s'est élevé en même temps qu'elle et la suivait des yeux avec inquiétude, prêt à s'élancer si elle chancelait. Elle passa devant lui. Les plis du peignoir bleu flottèrent sur les pieds du jeune homme. puis elle se rassit. Un peu de couleur monta à ses joues, et elle dit d'une voix singulièrement douce et faible « Vous le raconterez au docteur ?» Elle ferma les yeux un instant. André, penché sur elle, crut qu'elle allait s'évanouir, mais elle se remit aussitôt et sourit d'un air de triomphe. Ce sourire ne s'adressait pas à André. Il avait plutôt l'air d'un défi à un être invisible. Le jeune homme, cependant, en prit une part pour lui. « Pourquoi avez-vous fait cela ? » dit-il avec un ton de tendre reproche. « Ce n'était pas nécessaire. Quelques pas de plus chaque jour auraient suffi, sans un effort si considérable. « Je ne puis souffrir qu'on me blâme, » dit sèchement la jeune femme. « Après tout ce que j'ai patiemment supporté tout l'hiver, M. Langlois devrait assez me connaître pour ne pas porter sur mon courage un jugement aussi injuste que téméraire. Vous lui direz ce que vous avez vu, et j'espère qu'il ne parlera plus de ma couardise ni à vous ni à personne. « Vous vous êtes méprise ?» commençait André. Elle lui imposa silence du geste. « Souffrez-vous beaucoup ? » demanda-t-il d'un ton soumis. « Non, c'est fini, et d'ailleurs la douleur n'existe pas. « Certes, ce n'est pas à vous de le dire, » s'écria le jeune ingénieur. Elle secoua la tête avec autorité. « La douleur n'existe pas. Les obstacles n'existent pas. La mort seule peut arrêter ceux qui ont une ferme résolution. Croyez-moi, monsieur André, quand on ne fait pas ce qu'on veut, c'est qu'on ne le veut pas assez fort. » André resta pensif. Il y a pourtant des cas où la volonté la plus déterminée se brise devant une impossibilité irrémédiable. Par exemple, fit Rose d'une voix brève, presque agressive. Mais l'existence d'autrui? Pour prendre l'exemple le plus commun, le plus fréquent, n'avez-vous pas vu 100 fois un homme ou une femme se trouver entre un être humain et le bonheur? Supposez un homme marié qui, pour son malheur, se met à aimer ailleurs, ou une femme qui aime un homme marié. « C'est qu'on n'aime pas assez, c'est qu'on ne veut pas assez, » dit-elle d'une voix claire, métallique. « Celui qui veut vraiment, qui aime vraiment, ne connaît pas d'obstacle insurmontable. » « Si l'on est décidé à aller jusqu'au crime, » fit Juste en souriant, « il est certain qu'on peut tout ce qu'on veut, mais la loi a des rigueurs spéciales contre cette façon de satisfaire ses désirs. » Rose ne répondit pas. Les traits contractés, les yeux fixés sur un objet qu'elle regardait sans le voir, elle semblait examiner quelque chose au fond d'elle-même. « Enfin, » dit-elle, « peu importe, chacun se connaît. Je vous déclare pour moi que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, rien que ce que j'ai voulu. Jusqu'au jour où un accident imprévu a failli vous coûter la vie, » interrompit le jeune homme. « Cela, c'est la force brutale du destin. On peut mourir aussi. Il n'y a pas à lutter contre ces choses. Brisons-la. » Nous ne serions jamais d'accord. » Elle resta silencieuse un instant. André pensa qu'il devait se retirer et fit un léger mouvement. Aussitôt Rose releva la tête et, avec un sourire divinement fin et tendre, demanda d'une voix douce « Madame Langlois est-elle jolie ?» répondit distraitement André. Il avait l'esprit préoccupé des dernières paroles de la jeune femme et ne remarqua point l'expression de froide colère qui brilla un instant dans ses beaux yeux bleus. « Jeune ?» 20 ans, je crois. Aimable ? » André regarda la comédienne avec un peu de surprise. « Le mot aimable, » dit-il en hésitant, « n'est pas celui qui lui convient. Elle a peu d'usage du monde, elle vit très retirée. Son état de santé actuel le lui commande. Il est vrai, mais je crois que même après la naissance de son enfant, elle préféra les joies du foyer aux plaisirs mondains. Elle est très douce et très bonne. » « Une jeune Pénélope !» conclut Rose avec un sourire railleur, aussitôt corrigé par un éclair de malice innocente. « C'est fort sage. Monsieur Langlois est heureux. Heureux époux, heureux père. Voilà une épitaphe toute trouvée. Nous y ajouterons heureux médecin. Car il a eu la chance inouïe de me guérir d'une foule de maladies très compliquées. » Juste André se sentait plus embarrassé que jamais. Dans le rire de Rose, il devinait une pointe de raillerie plus incisive que la simple exubérance malicieuse d'un esprit naturellement gai. Il ne voulait cependant pas se permettre de croire à un sentiment d'aigreur chez cette femme, qui, après tout, devait la vie à son ami Langlois. Et pourtant, il regarda attentivement les yeux bleus, comme un homme qui veut savoir à quoi s'en tenir, et rencontra le regard le plus innocent qu'il eût jamais vu briller dans un visage d'enfant. « J'en veux un peu au docteur de m'avoir tenu longtemps en charte privée, » dit Rose, qui devinait les pensées du jeune ingénieur. « Je vous assure, monsieur André, que je lui en veux. Pourquoi ne vous a-t-il pas envoyé plus tôt? Vous m'auriez aidé, en causant, à passer bien des heures douloureuses pendant cet hiver sans fin. Je soupçonne le cher docteur d'être un tantinet égoïste. Quand on possède la clé d'un trésor, commençait André. Elle l'arrêta d'un geste moqueur. Vous n'allez pas me débiter des fadeurs, André. Ce serait indigne de vous et de moi. Nous avons mieux que cela à nous dire. Et puis, quel trésor puis-je être pour le docteur? Un cas curieux, tout au plus. Ce n'est pas au monde entier qu'il m'a caché jusqu'ici, c'est seulement au monde médical. Elle se renversa sous le dossier de sa chaise longue avec un rire merveilleusement jeune et sonore. Mais, dit judicieusement l'ingénieur, n'aviez-vous pas demandé vous-même le secret le plus absolu? Vous figurez-vous, répliqua vertement Rose, que j'avais envie d'être un sujet d'entretien pour les bourgeois de la localité, l'occasion d'une tartine dans leur journal? En aurait-on débité de ces sottises sur mon compte? J'aime mieux garder le plus strict incognito. Ce n'est pas vous qui le trahirez, j'espère. Je suis incapable de trahir quoi que ce soit, répondit Juste en se levant. Cette fois, elle ne le retint pas, allongeant vers lui sans se soulever, sa main blanche et nerveuse. Elle le contraignit de s'incliner très bas, jusqu'à ce que les cheveux noirs et bouclés du jeune homme fussent au niveau de son visage à elle. Il baisa cette main amaigrie. Il avait jadis obtenu ce privilège avec une demi-douzaine d'autres jeunes gens appartenant à la meilleure société de Chartres, et se redressa lentement. « Oui, dit-elle, c'est comme autrefois. Autrefois, c'est si loin. Ce temps reviendra-t-il jamais ?»« Plus vite que vous ne croyez, fit-il. Vous vous envolerez un beau jour. Ce n'est pas sûr. Revenez me voir, André. J'ai mille choses à vous demander. Et songez donc. Nous n'avons pas dit un seul mot de Paris. » Quand vous voudrez, vous êtes certain de ne pas vous faire répondre que je suis sorti. » Elle parlait avec une mélancolie si touchante qu'André se sentit ému. Ses beaux yeux étaient baignés d'une rosée discrète. Il gagna la porte et sur le seuil. « Je reviendrai demain, dit-il, si vous le permettez. » Elle donna son consentement par un joli signe de tête plein de grâce et de vivacité, tel que, juste, seul dans l'antichambre, croyait voir encore la lumière de son sourire attendri.